Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve pour un nouveau podcast qui du coup va conclure ce cours sur la nature parce qu'on va terminer le grand B et faire le grand C. Donc ça va être un podcast peut-être un peu long, mais ce sera le dernier pour ce cours de la séquence 4 sur la nature. Si vous vous souvenez bien, avant les vacances, on s'était quitté en commençant le B de cette séquence 4. Dans le A, on avait parlé de la nature au sens de l'univers, en voyant deux réponses possibles à la question « Est-ce que l'univers a un sens ?» et les réponses à ces questions, que ce soit celle des atomistes avec Lucrèce ou celle des stoïciens avec Cicéron, nous donnaient deux réponses différentes à une autre question qui était « Quelle est la place de l'humain dans l'univers ?» Si la nature a un sens préétabli, souvent on part du principe que l'humain est au centre de l'univers. Si on part du principe que l'univers n'a pas de sens, bah du coup nous n'avons pas une place spéciale. Donc on avait vu tout ça dans le A. Et le B, on continue à parler de la nature, mais dans un sens un peu différent. On parle de nature humaine, donc de l'essence de l'humain, ce qui le caractérise profondément. Et on a commencé par se poser la question la plus bête possible par rapport à ce sujet-là, par rapport à la nature comprise au sens de essence de quelque chose. Est-ce qu'il y a une nature humaine? Et nous avions vu, du coup, dans le dernier podcast en date, avant les vacances, un auteur, Jean-Paul Sartre, qui répondait à cette question en disant non, il n'y a pas de nature humaine. Les humains sont les seuls qui n'ont pas d'essence. Ou en tout cas, pour être plus précis et reprendre un peu ce qu'on a dit sur le texte que vous avez étudié avec moi, via le podcast, les humains sont les seuls pour qui l'existence précède l'essence. Quand on crée un objet, on a le concept en tête et après, on le fait exister. Pour un humain, il existe et il n'a pas encore de concept préétabli. C'est donc à nous, individus, puisqu'il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de nature humaine, de trouver, de se créer, de se définir par nous-mêmes. Alors que un objet, ou l'humain, si on imagine qu'il a une essence, bah, il n'a pas besoin de trouver tout seul, parce qu'il y a déjà quelque chose qui est déjà là, qui est déjà donné, puisque ce qui est naturel, c'est ce qui est donné, alors que ce qui est culturel, c'est ce qui est créé. Un presse-papier, une table, une chaise, puisque ça a déjà un concept, une essence, même s'il peut y avoir des différences un peu entre chaque table et chaque chaise, et qu'on peut essayer de modifier un peu le design, etc., il y a déjà une base qui est là. Il y a déjà une essence. De même, l'être humain, si on imagine qu'il a une nature humaine, si on reprend le texte de Sartre, si on imagine que Dieu existe, et que du coup nous sommes des créatures de Dieu, et Dieu c'est notre créateur, il y a du coup une essence qui précède l'existence. Il y a déjà une sorte de modèle de caractéristiques de base qui sont là pour l'être humain, qui définissent essentiellement ce qui est un humain avant même que chaque individu existe. Nous, on serait en quelque sorte des variations sur à partir d'une même essence, à partir d'un même moule. Et du coup, Sartre dit non. Ça, c'est faux. Je ne crois pas en ça. Je défends une autre thèse qui est opposée, qui dit que l'humain est la seule réalité où l'existence précède l'essence. D'où le nom de ce courant de pensée développé par Sartre et par, avant lui, un autre philosophe qui s'appelle Heidegger, qui est allemand, mais bon, peu importe. Ce courant de pensée, du coup, s'appelle l'existentialisme, puisqu'il prône, il dit, l'existence précède l'essence pour les humains, et ce sont les seuls chez qui c'est comme ça. Cela explique l'autre phrase que je vous ai mis dans le cours de Sartre, qui n'est pas dans le texte que nous avons lu dans le livre, qui est « L'homme est condamné à être libre. Puisqu'il n'y a pas d'essence humaine, puisque nous sommes obligés de nous définir tout seuls, bah du coup forcément on est obligé d'être libre et on est obligé de se débrouiller un peu entre guillemets et c'est une lourde responsabilité. On est obligé de se définir par nous-mêmes. Il n'y a pas de chose préexistante, il n'y a pas de nature humaine à laquelle on puisse se raccrocher pour dire un humain est censé être comme ça, censé être comme ci. Non, c'est à nous de trouver le sens tout seul. C'est à nous de décider et de nous définir. Et on s'est quitté là-dessus. Et je vous ai dit en vous quittant la dernière fois dans le dernier podcast qu'on pouvait critiquer cette thèse mais que je le ferai plus tard parce que le podcast était déjà très long. Alors du coup, on va reprendre ici le cours, et dans votre cours version papier, le S4B, il y a deux petites lignes à la fin qui disent « cette thèse peut être critiquée car blablabla ». Donc c'est là-dessus qu'on va reprendre. Comment on pourrait critiquer la thèse de Sartre, l'existentialisme? Eh bien, on pourrait le faire en disant que, de droit, c'est une thèse assez intéressante, assez forte, assez puissante, de se dire que c'est à nous, humains, de se définir nous-mêmes, qu'il n'y a pas, entre guillemets, de nature humaine à laquelle on pourrait se raccrocher, de dire « Ah, mais j'y peux rien, c'est comme ça, c'est la nature humaine, je peux pas changer, etc. » Ça, c'est plutôt intéressant comme idée. Et c'est libérateur et ça nous pousse à l'action. Le problème, c'est que de fait, Sartre, sa théorie part du principe qu'on peut s'autodéterminer librement et il ne prend pas du tout en compte les facteurs extérieurs dont on a pu parler quand on parlait de la liberté. Alors, il y a la liberté de moyens. Souvenez-vous, le fait qu'on puisse avoir les moyens matériels d'accomplir ce qu'on veut faire. Parfois, ce n'est pas le cas. Et puis, il y a tout ce qu'on a pu dire aussi. Enfin, si on ajoute pas seulement le caractère économique, mais si on parle en termes, je ne sais pas, de racisme, de sexisme et tout, parfois, on veut faire des choses, mais on ne peut pas à cause de l'environnement. Et ça, du coup, la théorie de Sartre ne le prend pas du tout en compte. Et c'est là-dessus qu'elle peut être critiquée. Elle ne prend pas du tout la mesure. Elle est un peu, on dirait, hors sol, entre guillemets. Ou comme je vous l'ai dit, elle marche de droit, mais de fait, c'est plus compliqué. Elle ne prend pas du tout en compte le fait qu'il y ait des déterminismes sociaux, culturels, qui parfois peuvent agir sur nous et que notre volonté ne peut rien y faire. Voilà la critique qu'on peut adresser à Sartre, qui lui a été adressée de son vivant, et il a eu du mal à y répondre, parce que elle est très justifiée, très fondée, cette critique. Surtout que Sartre est un écrivain français des années 50-60, et que à cette époque-là, beaucoup de théoriciens, au contraire, ont commencé à être beaucoup plus dans la sociologie, et du coup à parler des phénomènes sociétaux qui influençaient les conduites des gens. Donc un peu l'opposé de ce que faisait Sartre, quelque part. Voilà du coup la grande critique qu'on peut faire à cette théorie. Maintenant, on peut aussi continuer le fil de notre pensée, continuer du coup le B de notre séquence 4 en se disant « Ok, bon, il n'y a pas de nature humaine. » Mais si on a envie quand même de la définir un peu, d'essayer de se dire « Non, mais on peut peut-être trouver une sorte d'essence de l'humain. » Ne pas juste se contenter d'un « non, il n'y en a pas. » Si on voulait essayer d'en trouver une, malgré tout, d'aller un peu au-delà de cette réponse négative, comment on ferait? Qu'est-ce qui définirait la nature humaine? Qu'est-ce qui serait l'essence de l'humain? On va étudier deux réponses possibles qui vont un peu dans le même sens. Et la première, du coup, de ces réponses possibles, elle est page 30, c'est Aristote qui nous dit, ouvrez les guillemets, « L'homme est un animal politique ». Je vous invite évidemment, si vous n'avez pas lu le texte, page 30, à faire pause et à le lire, ça sera plus agréable pour vous, plus facile de suivre. Dans ce texte, du coup, la thèse d'Aristote, je viens de le donner, elle est un peu dans le titre de l'extrait, c'est « L'homme est un animal politique ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du coup, là, Aristote donne une sorte de définition de l'être humain. C'est un animal, donc il fait partie du genre, de l'espèce, du genre animal. C'est pas une plante, c'est pas un rocher, c'est un animal. Et la caractéristique qui le différencie de tous les autres animaux, parce que c'est comme ça qu'Aristote définit les choses, par le genre et par la propriété unique, entre guillemets, qui les différencie des autres. Du coup, par exemple, on pourrait dire, un tabouret est une chaise sans dossier. C'est la catégorie chaise et l'élément particulier, c'est sans dossier. Là, du coup, l'homme est un animal politique. Ça veut dire que du coup, on est, ok, un animal, bon ça, on comprend à peu près. Et politique, alors là, ça a un sens un peu particulier en grec. Ça vient du mot polis, qui veut dire cité. Mais c'est pas juste du coup la politique au sens où vous l'entendez peut-être aujourd'hui, qui est, ah oui, là, les hommes politiques, ils font de la politique. C'est pas aussi fermé que ça, c'est beaucoup plus large. Puisque polis, ça veut dire cité, et vous entendez polis, on le retrouve dans le pôle de mégalopole, métropole. Le pôle, il vient de police aussi, qui veut dire cité. Et du coup, si politique, ça vient de police, qui veut dire cité, c'est du coup, on fout tout ce qui concerne la vie en communauté. En fait, c'est-à-dire à peu près tout. Parce que quoi qu'on fasse, ça s'intègre dans des échanges avec d'autres, dans une sorte d'organisation sociale. Du coup, quelque part, tout est politique, dans ce sens très large, puisque tout est lié au fait que nous vivons en communauté avec d'autres. Donc c'est un sens beaucoup plus large de politique. Et donc l'homme est un animal politique. Comment est-ce que Aristote justifie ça? Il dit ailleurs, dans un autre texte à lui, « L'homme est un animal raisonnable ». Alors, en gros, ça fait deux citations. Vous vous dites, faut qu'ils choisissent, est-ce qu'on est raisonnable ou est-ce qu'on est politique? Quelle est la définition spécifique, le trait particulier de l'animal qu'est l'humain? Est-ce que c'est être raisonnable ou est-ce que c'est politique? En fait, les deux sont liés. Parce que, et il le dit dans le texte que vous venez de lire, normalement, puisque nous sommes les seuls êtres à avoir un logos. En grec, logos, c'est à la fois la raison et à la fois le discours, la parole. Puisque nous sommes les seuls à avoir une raison et les seuls à être capables de nous exprimer dans un langage structuré. Parce qu'il le dit dans le texte, les animaux, ils ont de la voix. Ils peuvent exprimer la peine et la douleur. Mais nous, on peut exprimer le juste et l'injuste parce que on n'a pas juste de la voix, on a de la parole. Donc c'est une sorte de langage structuré qui le différencie de la voix, qui serait juste émettre des sons. Là, c'est émettre des discours. Et du coup, dans le mot discours, on a à la fois parler et à la fois parler de façon structurée et du coup, parler de façon raisonnable. On a pu réfléchir à comment on allait agencer nos paroles. Du coup, puisque nous sommes les seuls à avoir cette capacité à raisonner et à discourir, nous sommes les seuls capables de nous organiser en communauté polysique. Et Aristote, vous l'avez vu dans le DM de Philo, il est finaliste. Et il le dit dans le texte que vous venez de lire, « La nature ne fait rien en vain. » Donc tout a une utilité, tout a un but dans ce que crée la nature. Or, si les êtres humains sont les seuls à avoir la capacité de discourir et de réfléchir, c'est bien pour une raison. Quelle est cette raison ? Cette raison, c'est parce que nous sommes faits pour vivre en communauté. Nous avons la parole et la réflexion parce que nous sommes faits, c'est dans notre essence, c'est dans notre nature humaine de nous rassembler et de vivre en cité. Vous remarquez là du coup que comme souvent dans les textes de philosophes, leurs thèses sont à comprendre parce qu'elles font partie de tout un système d'autres thèses qui dépendent des unes des autres. C'est parce que Aristote pense que la nature ne fait rien en vain et que l'homme est le seul à pouvoir parler et réfléchir que du coup les deux ensemble lui font dire « bah du coup c'est naturel qu'on vive en communauté puisqu'on a ces capacités-là et pas les autres êtres vivants, à savoir les capacités de parler et de réfléchir, c'est pour un but, c'est pas sorti de nulle part, c'est pas gratuit, c'est pas du hasard puisque la nature ne fait rien en vain. Du coup, c'est dans notre nature humaine de vivre en communauté, de façon politique au sens très large. » Voilà du coup l'argumentation d'Aristote. Si vous vous souvenez, on a déjà vu cette phrase en classe en fait, « L'homme est un animal politique ». On en avait parlé parce qu'elle était présente dans la vidéo du youtubeur sur Hobbes. Parce qu'en fait, cette théorie s'oppose totalement aux théories contractualistes de Hobbes et de Rousseau. Mais nous, on a plus vu Hobbes que Rousseau quand même. Parce qu'en fait, pour Aristote, c'est naturel qu'on vive ensemble dans des cités, qu'on soit des animaux politiques, qu'on se regroupe. Alors que pour les théoriciens contractualistes, c'est pas du tout naturel. Eux, ils imaginent un état de nature. Ça n'existe pas, hein, mais ils imaginent un état de nature. Et dans cet état de nature, on n'est pas du tout en communauté. On ne vit pas ensemble. Et on doit faire un contrat. Du coup, c'est culturel. On doit se mettre d'accord. On doit créer quelque chose qui fait qu'on peut vivre ensemble. Donc c'est vraiment, quand Hobbes écrit sa théorie, il s'oppose directement à Aristote 1500 ans plus tard. Mais du coup, on avait déjà vu ça. Ça vous permet de vous rendre compte à quel point les chapitres, les notions en philo, même si on les sépare pour votre programme, elles sont très liées, parce que là je parle du coup de quelque chose qui a à voir, qu'on a vu dans la justice, et pour Sartre, j'ai failli vous le mettre dans la liberté, ce texte-là, qui dit que puisqu'on n'a pas d'essence, et qu'on doit se définir nous-mêmes, bah, on est condamné à être libre. Donc vous voyez que les chapitres en philo n'ont pas beaucoup de sens, et que c'est une distinction, une séparation qu'on fait un peu artificiellement pour vous faire un programme, mais qu'en soi tout est lié en fait. Et ensuite, toujours pour essayer de trouver une réponse à la question qu'on essaie de se poser là ensemble, est-ce qu'il y a une nature humaine ? Si oui, laquelle ? On peut essayer d'aller plus loin encore que ce que dit Aristote, qui dit du coup bah, notre nature, notre essence, c'est de vivre en communauté, parce que nous sommes les seuls à pouvoir discourir en utilisant notre raison. Et bien si on veut aller plus loin que ça, on peut, avec le texte page 31, celui de Blaise Pascal, essayer de dire ce que dit un peu Aristote, mais d'aller encore plus loin et de dire « l'homme est un animal culturel ». Du coup, là, pareil, je vous invite à faire pause, à lire le texte, et ensuite à reprendre l'écoute de ce podcast. Alors, ce texte de Pascal, qui, comme je le disais, ne s'oppose pas à Aristote, mais continue un peu la ligne de réflexion qu'on vient d'avoir. La thèse ici, c'est quoi ? C'est que l'humain est un animal culturel. Ce qui le différencie des autres êtres vivants, des autres animaux, c'est sa capacité à créer des choses. Pourquoi ? L'argumentation de Pascal, elle se repose sur une grande distinction qu'il fait entre intelligence et instinct. Pour lui, les humains sont intelligents, ils peuvent réfléchir, ils ont une raison. Alors que les animaux n'ont seulement qu'un instinct. L'instinct, du coup, c'est biologique, c'est donné, c'est naturel. Et on parle parfois, dans le langage courant, d'instinct de survie. Du coup, ça veut dire que ça donne des règles, mais ce ne sont pas des règles qui sont réfléchies, ce sont des règles naturelles, données, qui ne sont pas créés, qui ne sont pas pensés. Et évidemment, les animaux savent comment se nourrir, savent faire des choses, mais Pascal part du principe, et beaucoup d'auteurs avant lui, c'est la conception classique de la différence entre un humain et un animal, eux, ils ne réfléchissent pas, ils sont censés ne pas réfléchir. Bien sûr, tout ce que je dis là, c'est la vision classique de la différenciation entre animal et humain. Ça peut être remis en question par beaucoup de théories, de thèses, de recherches scientifiques qui sont faites pour montrer qu'en fait les animaux sont beaucoup plus malins que ce qu'on imagine. Mais là du coup Pascal il écrit au XVIIe siècle, on n'en est pas encore là dans la réflexion. Mais du coup, l'instinct, c'est des règles naturelles qui sont données, qui ne sont pas réfléchies. L'intelligence, ce qui est censé être ce qu'ont les humains en plus de l'instinct, ça permet de créer des règles et du coup de se détacher un peu des règles données par la nature, par la biologie. C'est pour ça que du coup, l'instinct, lui, n'évolue pas. Un animal sera au début de sa vie comme il sera tout au long de sa vie, pour Pascal, puisque l'instinct se développe et après, c'est fini. On n'évolue plus. Et ça se retrouve au niveau individuel, tout comme au niveau de l'espèce, pour Pascal, parce que du coup, les animaux se comportent de la même façon de génération en génération pour lui, puisque l'instinct, encore une fois, ce sont des règles fixes, naturelles, qui ne bougent pas, qui ne sont pas réfléchies, alors que l'intelligence permet de se détacher des règles données par la nature pour en créer de nouvelles. C'est-à-dire, là vous l'avez peut-être deviné, de devenir culturel. Si c'est culturel, c'est ce qui est créé et pas ce qui est donné. L'intelligence permet de s'écarter de la nature pour aller dans la culture. Du coup, le propre, l'essence, la nature humaine serait, parce qu'on est intelligent et qu'on n'a pas uniquement un instinct, d'être culturel. Vous avez un petit tableau, page 30, qui vous explique bien que l'intelligence peut avoir des défauts, entre guillemets, parce que certes, elle permet de ne pas être limitée à un instinct, à des règles naturelles qui sont données, mais qui ne sont pas réfléchies. Mais du coup, en contrepartie, entre guillemets, l'intelligence, vous voyez le petit tableau page 30, elle met du temps à se développer, et du coup, on peut se tromper aussi, si on invente de nouvelles règles. Et du coup, c'est pas forcément le mieux adapté pour survivre. L'instinct, ça a beau être, selon l'idée de Pascal et des philosophes classiques, quelque chose qui n'est pas de la réflexion, qui est uniquement des règles qui sont là pour faire survivre, mais qui ne sont pas réfléchies, au moins ces règles sont adaptées à la nature, à la biologie, à l'environnement basique. Et du coup, on peut pas se tromper, quelque part. Ça permet aux animaux de survivre. Alors que l'intelligence, puisque elle est censée nous donner des outils qui sont un peu plus libres, peut nous faire aller dans la mauvaise direction. Et le fait que du coup la nature humaine soit d'être intelligent et du coup de pouvoir se détacher de son instinct, de la nature, de sa biologie, quelque part Pascal dit dans un autre de ses textes, la coutume est comme une seconde nature. Et ici on peut entendre coutume au sens de culture. Donc du coup quelque part en fait, c'est tellement ancré en nous, c'est tellement l'essence de l'humain d'être intelligent et du coup de pouvoir créer des choses et ne pas être limité à ce qui lui a été donné de façon naturelle, biologique, innée, que la culture est une seconde nature et qu'en fait on a beaucoup de mal à distinguer ce qui est naturel de ce qui est culturel. En fait, c'est très dur au sein d'un individu ou au sein de l'espèce humaine de savoir ce qui est naturel ou ce qui est culturel, ce qui est donné ou ce qui est créé, ce qui est inné ou ce qui est acquis. Là du coup on a notre réponse, en tout cas deux réponses qui vont dans le même sens. Si jamais on veut essayer de définir ce qui pourrait être la nature humaine, ce serait de façon très classique et basique. Les humains ont l'air d'avoir une capacité de réflexion plus grande, et je dis bien ont l'air d'eux. Du coup ils peuvent se détacher de ce que leur dicte leur instinct, des règles qui sont naturelles et biologiques, et du coup d'être essentiellement des êtres culturel, à tel point qu'on ne sait plus où commence la culture, où s'arrête la nature, tellement c'est leur essence et tellement c'est intégré et justement j'allais dire naturel de réfléchir, parce que oui on a une essence qui nous permet de réfléchir, des capacités qui sont en mesure de nous faire nous éloigner de notre instinct, que du coup on crée tout de suite des choses qui ne sont pas instinctives ni naturelles, du coup on ne peut plus distinguer le naturel du culturel. Donc là on a fini le B. On a vu deux réponses possibles à la question « Est-ce qu'il y a une nature humaine ?» En guise d'exemple, de cas concrets pour vraiment explorer la conclusion à laquelle on est arrivé, qui serait que la nature de l'être humain, c'est justement d'être un animal culturel, d'être un être plongé dans la culture à cause de ses capacités, qui lui permettent de s'éloigner de la nature. Pour explorer ça un peu plus en profondeur, vous pouvez aller page 34-35, il y a une double page, c'est pas très compliqué à lire, là c'est pas un texte de philo difficile, c'est juste des quelques petits textes qui parlent de la différence entre les filles et les garçons et pour voir jusqu'à quel point ces différences sont culturelles ou naturelles. Je ne vais pas écrire des choses dans le cours sur ça, mais c'est un bon exemple et je pense que vous devriez d'abord déjà faire pause dans le podcast, lire ces deux pages et ensuite, une fois que j'en aurai un peu parlé et débriefé avec vous dans le podcast, peut-être vous noter deux trois phrases qui vous permettront de conclure le B vous-même pour appliquer un peu les conclusions qu'on a vues grâce à Aristote et Pascal sur le fait que l'être humain soit quelque part un être de culture, tellement qu'on ne sait plus quelque part où commence sa nature, où commence sa culture. Ces petits extraits de textes, trois différents textes du coup, des pages 34 et 35, sur la différence entre les filles et les garçons, vous montrent bien là encore à quel point c'est facile de prendre pour naturel des choses qui sont en fait culturelles. On pourrait du coup penser que un garçon va naturellement être plus bagarreur, mal poli, et qu'une fille sera naturellement plus délicate ou attentionnée. Et le premier texte vous montre qu'en fait, c'est l'éducation qui dicte ça. On va accepter qu'un garçon soit mal poli, en tout cas un peu plus accepter, et l'accepter beaucoup moins de la part d'une fille. On va un peu plus accepter qu'un garçon soit sale, peu soigneux, on l'acceptera beaucoup moins d'une fille. De même, si un garçon coupe la parole, c'est un peu plus normal que si c'est une fille qui le fait, etc., etc. Tout ça montre qu'en fait, ces caractéristiques qu'on pense être naturelles sont culturelles. Elles sont créées par l'environnement dans lequel on évolue. Donc ce n'est pas donné, c'est créé, c'est acquis, ce n'est pas inné. À côté du texte de Sartre, dont j'ai parlé au tout début de ce podcast, il y a un texte de Simone de Beauvoir, qui est une philosophe française de la même époque que Sartre, qui était d'ailleurs la femme de Sartre, et qui dit une phrase très célèbre, qui dit « On ne naît pas femme, on le devient ». Et ce texte-là vous le montre. Ces trois petits textes vont dans le même sens. Le sens, déjà, où il faut distinguer la différence entre le sexe et le genre. Le sexe, c'est biologique, c'est un appareil génital, il peut être du coup un pénis ou un vagin. Et le genre, c'est une construction sociale, c'est masculin, féminin. Et à ces deux genres qu'on a créés socialement, culturellement, on associe certaines caractéristiques. Le genre masculin sera censément plus, fort, aventureux, etc. Et le genre féminin sera censément plus gentil, doux, etc. En fait, les deux, le sexe et le genre, n'ont rien à voir, en fait. Les deux ne sont pas du tout naturellement liés. Biologiquement, naturellement, le fait que vous ayez un pénis ou un vagin ne va pas faire que vous serez plus doux ou plus intrépide, que vous serez plus attentionné ou moins attentionné. Ce n'est pas ça qui détermine ça. Ce qui détermine le lien entre un sexe et un genre, c'est la société en fait, c'est l'éducation. C'est ce qu'on va vous renvoyer dès que vous allez naître. On va dire, ok, ce bébé a un vagin ou a un pénis, hop, ça y est, il est rangé dans la case masculin ou féminin, et toute sa vie, du coup, on essaiera de le faire correspondre aux attentes de ce genre. Parce que le genre, c'est culturel, c'est créé, c'est acquis, ce n'est pas inné, ce n'est pas naturel. Second petit texte, page 35, vous montre que c'est une anthropologue qui a écrit ce texte et qui analyse les comportements sociaux de différentes tribus autochtones, et du coup le féminin dans une tribu n'aura rien à voir avec le féminin dans une autre tribu. Il y a même d'autres tribus natives américaines notamment qui n'ont pas que deux genres, qui en ont plusieurs, trois, quatre. Du coup, on voit bien à quel point c'est culturel le genre. Et en fait, ce n'est pas parce qu'on associe un genre à un sexe que c'est naturel. Au contraire, ça montre à quel point c'est culturel, et ça montre, comme le disait Pascal, à quel point la coutume est une seconde nature, parce que dès que vous naissez, on vous attribue un genre et on va essayer de vous y faire coller toute votre vie. Du coup, on prend une donnée naturelle, un appareil génital, et hop, tout de suite, on le transforme en quelque chose de culturel en y attribuant un genre et du coup des caractéristiques qui vont avec. Pardon. Ça montre à quel point, comme le disait Pascal, effectivement, la coutume est une seconde nature. Parce qu'après, nous, on va être éduqués comme ça, et du coup se définir comme ça et penser que c'est naturel parce qu'on est un garçon ou une fille, qu'on aime plus faire ci, qu'on aime moins faire ci, etc. Alors que ça ne l'est pas du tout. C'est culturel, c'est juste qu'on nous a appris ça dès qu'on est né. On nous a mis dans une case et qu'on nous a appris que c'était la case qui nous correspondait. Et si certains veulent répondre ou rétorquer qu'il y a quand même des différences biologiques, je ne sais pas, au niveau de la force physique par exemple, entre les hommes et les femmes, on pourrait leur répondre que ces différences n'ont rien de naturel non plus, parce que, on l'a vu, on a parlé de Darwin dans notre A. En fait, si, depuis des millénaires, on attribue à certains êtres dotés d'un certain sexe un rôle, du coup un genre, et on leur dit, bah non, si vous êtes de ce sexe et du coup de ce genre-là, vous ne faites que ces activités-là. Vous occupez des enfants et ne pas aller à la chasse. Prends un exemple très bête et méchant. Eh bien, au bout d'un moment, puisque nous sommes des animaux qui évoluons en fonction de notre environnement, la culture va avoir une influence sur la biologie. Et du coup, on peut expliquer les différences physiques par la culture. Et du coup, ce ne sont pas des différences naturelles, mais culturelles, créées par l'environnement, elles aussi, et non pas innées, naturelles. Elles sont acquises sur des générations et des générations, à cause de la théorie de l'évolution et de comment fonctionne la transmission de certains gènes et de certaines mutations qui sont plus propices à la vie dans un certain environnement. Mais puisque l'environnement, la société dans laquelle on vit, bah c'est culturel, bah du coup, le fait que cet environnement impacte l'évolution biologique, ça rend ces évolutions biologiques, ces différences biologiques, ici en l'occurrence pour mon exemple un peu bête, la force physique, ça rend l'origine de cette différence culturelle. Puisque c'est parce que on a laissé un certain genre pendant longtemps s'occuper de certaines tâches qu'il y a eu une adaptation et une évolution qui du coup vient d'une différence culturelle et pas naturelle. Et vous voyez bien, le dernier petit texte, page 35, vous le dit, que le problème dans la création de deux genres dans nos sociétés occidentales, puisque encore une fois il y a des sociétés où il n'y a pas que deux genres, c'est que il y a une hiérarchie qui s'est créée au profit du genre masculin. Du coup, on peut pas juste dire bon bah c'est normal, on est des êtres humains, on est des êtres culturels, forcément on va prendre une donnée biologique, le sexe, et la transformer en quelque chose de culturel, le genre. Le problème c'est que ces genres sont hiérarchisés et que l'un est censé être meilleur, plus fort, plus apte à commander, à diriger que l'autre. D'où l'intérêt d'étudier le genre, d'étudier comment il est construit et d'essayer de déconstruire un peu ça du coup. Voilà du coup pour ce petit cas concret qui nous montre à quel point nature et culture sont chez l'être humain entrelacés et difficilement distinguables. Là du coup on va se diriger vers le C, notre dernière partie de cette séquence 4, parce que puisqu'on a parlé dans le A de la nature comme univers, dans le B de la nature comme essence, en l'occurrence essence des humains, maintenant on arrive à la conclusion que effectivement si l'humain doit avoir une nature humaine, cette nature humaine est d'être un animal culturel qui crée des choses et qui se distingue et se détache très vite des données naturelles, biologiques, données inné, pour vivre et pour créer beaucoup de nouvelles règles qui ont l'air après d'être naturelles alors qu'elles ne le sont pas. On va du coup s'intéresser à cette culture que l'on crée et essayer de voir s'il est possible pour une culture d'en juger une autre objectivement ou non. Ça va être le titre de notre grand C. Alors on a vu dans le A et dans le B que le mot nature c'était à chaque fois ce qui est donné et ce qui n'est pas créé. On l'a vu dans le A, ce qui est donné et ce qui nous entoure, dans le sens de univers du coup, et dans le B, ce qui est donné en nous, dans le sens de nature humaine. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui est créé du coup, à la culture. Jusqu'ici, on a parlé du mot culture dans un sens très général, très large. La culture, tout ce qui est créé par les humains. Là, on va commencer à parler des cultures, d'une culture, dans un sens un peu plus précis, un peu plus particulier, et dans ce sens-là, on peut définir le mot culture non pas seulement comme tout ce qui est créé par l'être humain, mais comme, on va dire, un ensemble de règles et de normes sociales, morales, politiques, esthétiques, religieuses, qui sont propres à un endroit, à une communauté, à une société, et qui sont transmises de génération en génération. C'est dans ce sens qu'on peut parler d'une culture française, d'une culture américaine, d'une culture congolaise, d'une culture chinoise, ce que vous voulez. Et du coup, on en arrive à se poser la question qui est celle de notre grand C. Est-ce qu'une culture peut en juger une autre objectivement? Parce que c'est vrai que ça semble difficile. Si on a vu à la fin de notre B à quel point nous étions des animaux culturels, à quel point les normes sociales étaient comme une seconde nature pour nous, et qu'elle nous façonnait très profondément, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Comment est-ce qu'on peut, à partir de là, être objectif et être capable de juger d'autres normes que les nôtres? C'est la question à laquelle répondent les deux textes des pages 32 et 33, le texte de Montaigne et le texte de Claude Lévi-Strauss. Nous, on va plus s'intéresser au texte de Claude Lévi-Strauss, qui est un anthropologue, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie justement la façon dont l'homme vit en société. Et souvent, les anthropologues, pour faire ça, ils étudient non pas juste nos sociétés actuelles, mais toutes les sociétés, communautés à travers l'histoire, et aussi parfois les sociétés et les communautés différentes, les, je sais pas, des tribus indigènes, etc. Parfois, ils vont même en immersion dans des tribus, etc. C'est ça du coup l'anthropologie. Et Claude Lévi-Strauss, c'est un anthropologue français du XXe siècle. Et aussi un philosophe parce qu'il a écrit beaucoup de livres par rapport à toutes les recherches qu'il a pu mener. Et dans son texte, du coup, page 33, que je vous invite à lire, donc faire pause ici, là, lire le texte et revenir ensuite. Dans son texte, du coup, Lévi-Strauss, il souligne un peu les réactions basiques qu'on peut avoir face à des normes, des règles qui ne sont pas les nôtres. Il cite des expressions du langage courant, « assez pas de chez nous »,« habitude de sauvage », etc. Parce qu'on peut avoir un mouvement de recul, d'incompréhension, face à des choses auxquelles on n'est pas habitué et qui ne sont pas les règles qui nous ont façonnées. C'est, on va dire, compréhensible qu'un être humain, donc c'est-à-dire un animal politique, pour reprendre ce qu'a dit Aristote, un animal dont la nature est presque d'être un être de culture, pour reprendre ce qu'a dit Pascal, et du coup, ces règles culturelles qui l'ont façonné, elles sont tellement ancrées en lui que ça va être très difficile pour lui ou pour elle d'en comprendre d'autres et d'en imaginer d'autres et d'en accepter d'autres. D'où ces mouvements de recul face à des cultures et à des règles différentes. Et bien souvent, dès qu'on parle de sauvage ou de barbare, aujourd'hui on dirait plus le mot sauvage que le mot barbare, mais quand on emploie ces termes-là, ces adjectifs-là, plutôt que d'essayer de comprendre les règles d'une autre culture, on va rejeter les membres de différentes cultures. Hors de toute la culture en général, là en fait on passe du sens particulier, une culture, au sens général, la culture. Du coup, on dit à ces êtres-là, ils sont même pas humains, ils sont dans la nature, on les renvoie à un côté animal en fait. Parce que le mot barbare, il vient en fait, c'est une sorte d'onomatopée de base, c'est censé être, c'est les Grecs qui désignaient les gens qui ne parlaient pas le grec comme des barbares, et le mot barbare c'est censé être une sorte d'onomatopée qui reproduit un langage qui n'est pas humain. En fait, barbare, barbare, barbare, c'est ce que les Grecs imitaient pour dire on comprend rien ce que vous dites, on n'entend que barbare, barbare, barbare, parce que c'est pas du grec, et c'est censé être du coup lié genre au chant des oiseaux. C'était censé être pour eux une sorte de langage animal qui n'était pas un langage humain. Du coup, les gens qui parlaient comme ça étaient des barbares parce qu'ils ne savaient pas parler grec. Du coup, ils n'étaient pas civilisés. Ils étaient hors de la culture. Parce qu'ils n'avaient pas une culture, la culture grecque. Ils étaient rejetés hors de toute la culture. Ça redevenait des animaux. Le mot sauvage, c'est la même chose parce qu'il veut dire, étymologiquement, de la forêt. Donc, encore une fois, on renvoie des gens d'une culture différente hors de toute la culture en général, comme s'ils n'avaient pas de culture, comme si du coup ce n'était que des animaux entre guillemets. Le fait de juger une culture en se basant sur nos critères à nous, et du coup souvent la rejeter, ça s'appelle l'ethnocentrisme, ethno comme dans ethnie, donc on est centré sur les règles de notre culture, de notre ethnie. On a vu nous le mot anthropocentrique, c'est mettre l'humain au centre, dans le A. Là, c'est ethnocentrisme, ethnocentrique, c'est on met notre ethnie, notre culture au centre et on imagine que c'est la seule possibilité, la seule bonne façon de faire et on juge à partir de nos règles d'autres cultures qui ne sont pas les nôtres et qui ont des règles différentes. Vous pouvez lire en bonus ce qu'il y a au-dessus du texte de Lévi-Strauss, le petit truc sur la barbarie là, qui vous indiquera un peu l'histoire de ces termes. Mais en tout cas, vous voyez bien le problème, c'est qu'on est souvent pas apte, ou en tout cas on refuse d'accepter qu'il y ait d'autres façons de faire qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas celles dans lesquelles nous avons grandi, pas celles qui nous ont forgés en tant qu'êtres culturels, dépendant d'une certaine culture, et vite on va faire de une culture, la nôtre, la culture, la seule possible, et si des êtres ne sont pas dedans, ce ne sont pas des humains, ils n'ont pas de culture. À la fin du texte, Claude Lévi-Strauss a une phrase assez forte. Le barbare, c'est l'homme qui croit à la barbarie. Et à côté, Montaigne a une phrase aussi très connue qui résume un peu cette situation, qui est « Chacun appelle barbare ce qui n'est pas de son usage, donc pas de son habitude. » Donc ouais, ce sont deux phrases qui résument bien ce problème de l'ethnocentrisme, ce problème de la difficulté pour une culture d'en juger une autre. Et nous, on avait vu déjà ce problème un peu avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. On avait dit « Mais comment des Français du XVIIIe siècle peuvent savoir, comprendre et décider des droits universels qui devraient s'appliquer à tous les humains. Ça semblait un peu bizarre, justement. On l'avait dit ça à l'époque déjà. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas juger les différentes cultures, qu'il faut être relativiste, qu'il faut dire bah toutes les cultures se valent? Pas forcément, ça veut surtout dire que il faut peut-être écouter les gens d'autres cultures sur leur propre culture plutôt que nous essayer de faire des grands discours et de juger des choses qu'on ne connaît pas. Ça peut être une solution du coup de dialoguer en fait, juste de s'en remettre à des gens qui savent mieux et de parler avec eux. Ça peut être la solution la plus simple. Plutôt que de vouloir tout faire nous-mêmes, de vouloir tout juger nous-mêmes à partir de nos propres règles, de nos propres façons de faire, peut-être écouter ceux qui en ont d'autres, comprendre, les laisser nous parler et essayer de décider ensemble de ce qui est mieux de faire. Plutôt que un peuple qui décide de déclaration universelle, peut-être toutes les cultures qui essayent de se mettre d'accord sur des principes moraux communs. Ça pourrait être la solution la plus évidente. Et c'est du coup cette question qui conclut notre cours sur la nature. C'était la dernière problématique que nous avions à traiter. Donc là, le cours, la séquence 4 est terminée. J'espère que vous avez réussi à suivre avec ce format un peu étrange de podcast et de texte à trous. J'espère que ça a été pour vous. Alors, vous savez que le 12 mai, mercredi 12 mai, vous avez un bac blanc de philo, des partiels. Les partiels seront sur la nature et la technique. Vous allez me dire, mais monsieur, la technique, on n'a pas fait. En fait, le prochain cours qu'on aura, je vous ferai un podcast. Alors, pour les ST2S1 et STMG, ce sera un podcast. Pour les ST2S2, on fera ça en classe, du coup. Mais ce sera un podcast, on va dire, d'environ une heure, je pense, où il y aura tout le cours d'un coup. Parce que la technique, c'est très lié à la nature. Ça va être à peu près les mêmes questions qu'on va se poser, entre guillemets. Du coup, ça va aller un peu plus vite. Du coup, je mettrai tout le cours d'un coup. Je ferai tout le cours d'un coup. Et comme ça, après, ça, ce sera pour les ST2S1 et STMG, ce sera mercredi prochain. Et comme ça, du coup, le lundi avant les partiels, on se retrouve en classe et vous me posez toutes vos questions. Les ST2S2, on essaie de faire le cours en classe et vous me posez vos questions en même temps. Et voilà. Et s'il y a des questions sur la nature, bah, envoyez-moi un mail ou posez-les moi quand on se retrouve en classe. Mais n'hésitez pas. J'espère que ça ira pour vous, qu'il n'y aura pas de problème. Et voilà. Je reste disponible. On se dit à bientôt. Bon courage pour cette reprise. Au revoir.